Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo de méditation semi-guidée. Aujourd'hui, nous allons revoir différents points déjà explorés les jours précédents. Le regard fixe, la respiration et le laisser-aller. Tout d'abord, comme d'habitude, éteins ton téléphone portable, vérifie que la batterie de ton ordinateur soit assez chargée et règle le volume du son correctement, puis éloigne-toi de ton écran. Si tu as une bougie, prends-la et allume-la devant toi, sinon prends un autre objet, comme une statuette, sur lequel tu pourras fixer ton regard pendant toute la méditation. Tiens-toi assez près de cet objet pour pouvoir le fixer du regard facilement en baissant légèrement la tête. Tu peux aussi fixer ton regard sur le mur devant toi. Tu peux fermer les yeux à moitié en gardant les paupières relâchées et détendues. Assis-toi dans une position confortable, sur une chaise ou en demi-lotus ou en lotus sur le sol. Tu peux utiliser un coussin si c'est plus confortable pour toi. Garde le dos bien droit de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la séance. Maintiens bien droit le bas de ton dos. Entre légèrement le menton dans le cou. Ne penche ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop en arrière, ni trop en avant. Trouve le juste équilibre de ton corps. Aujourd'hui, tu vas poser les deux mains sur les cuisses avec les paumes tournées vers le ciel. Lors de cette méditation, nous allons toujours maintenir cette position. Inspire profondément par le nez. Puis expire. Respire de plus en plus lentement. Respire le plus profondément possible. Ressens ton ventre se gonfler quand tu inspires et se vider quand tu expires. Maintiens ton regard fixe sur le point que tu observes et maintiens ton attention sur ta respiration en même temps. Pense uniquement à ta respiration. Dès que ton regard se déplace un peu, ramène-le rapidement au point que tu fixes. Si tu te déconcentres, ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est de te recentrer. Dès que tes pensées s'éloignent de ta respiration, recentre-les sur ta respiration. Encore une fois, ne juge pas ta méditation. Ce qui est important, c'est de recentrer ton attention. Garde tes paupières relâchées. Maintiens ton corps relâché et détendu également. Garde une respiration calme et profonde. Je vais maintenant te laisser méditer seul sur ta respiration en maintenant un regard fixe sur le point que tu observes. Maintenant, tu vas maintenir ton regard fixe sur le point que tu observes et maintenir une respiration calme. Mais tu vas laisser tes pensées aller librement où elles veulent. Veille uniquement à garder un regard fixe et une respiration calme. Peut-être que tes pensées resteront sur ta respiration sans que tu ne le forces. Peut-être seras-tu concentré sur un point. Ne t'interdis pas cette concentration. Elle n'est pas obligatoire. Et elle n'est ni bonne ni mauvaise. Pense librement et observe tes pensées. Tu remarqueras peut-être une différence dans la nature de tes pensées par rapport à l'habitude, une différence dans leur vitesse, dans leur qualité, dans leur calme, dans leur nature. Pense librement en gardant un regard fixe et une respiration calme jusqu'à la fin de la méditation. Tu peux maintenant ouvrir lentement les yeux et lever les bras pour t'étirer. Lors de cette journée, tu pourras continuer à regarder les choses et les personnes avec la même concentration et la même attention. Tu pourras maintenir cette respiration calme et profonde. Tu observeras peut-être des réactions différentes de la part des gens que tu rencontreras. Emporte avec toi un peu de l'état méditatif que tu as créé aujourd'hui. Tu pourras à nouveau fixer des points et respirer calmement. Ressentir plus profondément ce que tu observes et calmer ton esprit au cours de la journée. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de méditation d'une nature différente où nous nous concentrerons sur un sentiment particulier. Ce sentiment, ce sera la gratitude. Passe une très bonne journée.